Mieux avec un fusil, tu seras maître de ta nouvelle vie. D'autrui, à son tour, il devra fuir ou bien se battre dans un nouveau conflit.